Deuxième épître de Saint Jean. L'ancien à la dame élue et à ses enfants, que j'aime véritablement, et non pas moi seul, mais aussi tous ceux qui connaissent la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous, éternellement. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous, de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, Fils du Père, dans la vérité et la charité. J'ai éprouvé une grande joie à trouver quelques-uns de tes enfants marchant dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, je te demande, dame, non comme si je t'écrivais un commandement nouveau, mais d'après celui que nous avons reçu dès le commencement, que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste en ceci, que nous marchions selon ses commandements, car c'est là le commandement, comme vous l'avez entendu dès le commencement, que vous marchiez dans cet amour. Car de nombreux séducteurs se sont répandus dans le monde, qui ne confessent point Jésus-Christ venu en chair. Un tel homme est un séducteur et un antéchrist. Prenez garde à vous, afin de ne pas perdre le fruit de votre travail, mais de recevoir une récompense pleine. Quiconque s'éloigne et ne demeure point dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine, celui-là a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne le saluez point. Car celui qui le salue participe à ses œuvres mauvaises. Quoique j'eusse plusieurs choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec du papier et de l'encre, car j'espère aller auprès de vous et vous entretenir de vive voix, afin que votre joie soit pleine. Les enfants de ta sœur, élus, te saluent.